Chapitre 8. Merlin à la cour du Terre. La danse des géants ou Stonehenge. Première table ronde. Merlin prit congé de Vortigern en lui annonçant que les fils de Constant allaient bientôt aborder dans la bleue Bretagne pour venger leurs frères. Pendragon, en effet, arriva et contraignit le tyran à s'enfermer dans une forteresse où il périt au milieu des flammes. Le nouveau roi ne tarda pas à comprendre l'utilité des conseils et de la protection de Merlin. Pendant qu'il tient les scènes assiégées dans leur place de sûreté, le devin prend un malin plaisir à se laisser entrevoir, puis disparaître avant d'être tout à fait découvert. Il croise le chemin de ceux qui le cherchent, déguisé en bûcheron, la coignée au cou, les grands souliers aux pieds, la cotte percée, les cheveux hérissés, la barbe longue et sordide. « Vous faites mal, dit-il, la besogne de votre maître. Vous ne trouverez pas celui que vous cherchez. »« Et quoi ? Le connaissez-vous ? Assurément, je sais sa demeure. Il m'a même donné charge de vous dire que ce n'est pas vous qu'il veut suivre. Annoncez à votre seigneur qu'il ne prendra pas le château des Seines tant qu'Hengist sera vivant et que, s'il veut voir Merlin, il faut qu'il vienne lui-même le chercher dans cette forêt. » Pendragon, sur le rapport de ses messagers, laisse à son frère Uther le soin de continuer le siège et s'enfonce dans la forêt du Northumberland, si avin que un de sa gens trouve à grand plainté de bêtes et un homme moultlet et multidos que ces bêtes gardoient et demanda dont il est-toi. S'il y dit de Northumberland, sergent à un prodome, et demanda l'y sergent, sauriez-me vous nouvelle dire de un homme qui a nom Merlin? Et l'y bon homme répond, Nénil, mais je sers un homme qui dit que l'y roi le Vendroicaire huit en ses bois. Est-il venu? Ne savez-en vous rien? Et il répond que l'y roi le quiert. Ce roi le tu enseigné? Et s'il dit, je dirai le roi telle chose que je ne vous dirai mille. Et s'il répond, et je te mens roi là où l'y roi est. Et il dit, donc garde roi je mauvaisement mes bêtes, ne je n'ai nul besoin de lui, mais ce il venoit à moi, je l'y dis roi bien celui qu'il veut qu'errant. Et s'il dit, je le t'amènerai. L'or se partit de lui et quiert au le roi qui le trouva. Et quand il l'ot trouvé, s'il y conta ce qu'il ot veut et trouvé. Et l'y roi dit, moi ne moi à lui. L'or le mène s'il l'a où il a voit trouver l'homme. S'il y dit, vais-y le roi que je vous amène. Et s'il répond, sire, je sais bien que vous quérez Merlin. Mais vous n'elle pourrez ainsi trouver devant que il veuille que vous le truissiez. Allez-vous-en à une de vos bonnes villes si près, et il vendra à vous quand il saura que vous l'attendez. L'or dit l'y roi, comment saurais-je que tu me dis voir? Et il répond, c'est vous ne me créez, si ne faites pas ce que je vous dis, car il est folie de croire mauvais conseil. Et quand l'y roi l'œil, s'il y demanda, dis-tu donc que tes conseils est mauvais? Et il dit, nay, mais tu le dis. Et tant sèches-tu que je te conseille de cette œuvre quand tu méisme ne t'en sauras conseiller. Et l'y roi dit, je te créerai. Ces petits détails, la scène elle-même tout entière, ont assurément un faible intérêt. Le conteur pouvait mettre tout de suite Merlin et Pendragon en présence. Mais le dialogue a pourtant sa grâce et sa raison d'être. Il nous fait connaître les dispositions habituelles de Merlin, qui ne veut pas donner de conseils chez lui ni découvrir l'endroit de son repère. Le roi n'en avait pas fini avec les petites façons de Merlin. Dans la ville où il espérait le voir arriver, vient un prud'homme bien vêtu, bien chaussé, de bonne mine, qui demande à être conduit devant le roi. C'était Merlin. « Sire, lui dit-il, je viens de la part de Merlin. Il veut bien t'apprendre que le pâtre qui gardait ses bêtes n'était autre que lui-même. » Il se montrerait volontiers, mais tu n'as pas encore besoin de lui. Ah, reprend le roi, j'en ai le plus grand besoin et le plus grand désir. S'il en est ainsi, il me charge de te donner de bonnes nouvelles. Hengist est mort, c'est ton frère Uther qui l'a tué. On envoie vérifier la nouvelle, et le prud'homme disparaît. À quelque temps de là, vint un autre prud'homme encore mieux vêtu que le premier, lequel, après avoir longtemps mis en défaut tous ceux qui entouraient le roi, se nomme. C'est lui, c'est Merlin. De nouvelles transformations se succèdent. Comme messager d'amour, il présente à Uther une lettre de la dame qu'il aimait. Revenu dans sa première forme, il promet de les servir de tout son pouvoir et de reparaître toutes les fois qu'ils auront vraiment besoin de lui. Mais, comme c'est l'ordinaire, tous les barons qui formaient la cour de Pendragon ne virent pas de très bon œil le grand crédit de Merlin et la part qu'il avait dans les affaires. Un d'entre eux, qui pouvait être de bonne foi dans son incrédulité, propose de soumettre la science du devin à une épreuve décisive. Il fait le malade, et quand le bruit de sa mort prochaine est bien répandu, il demande à Merlin, en présence du roi, de quelle mort il doit mourir. « Je vais vous le dire, » répondit tranquillement le devin, « vous tomberez d'un cheval et vous briserez le col. » Merlin retiré, « il n'y a pas, » dit le prud'homme roi, « la moindre apparence au genre de mort que votre devin indique. Permettez-moi de l'éprouver une seconde fois. » Pendragon consent. Le prud'homme quitte la ville, puis revient à quelque temps de là couvert d'humbles vêtements, l'âge et le visage entièrement contrefaits. Il se met au lit et fait prier le roi de lui amener son devin. « Merlin, dit Pendragon, vous plairait-il de m'accompagner au logis d'un pauvre malade? Nous y mènerons tel que vous désignerez. »« Sire, répondit Merlin, le roi doit être partout accompagné de 20 hommes pour le moins. » Ils arrivent au logis indiqué. La femme du malade, à leur approche, se jette aux genoux du roi. « Ah, sire, priez votre devin de nous dire si mon cher seigneur doit mourir de cette maladie. »« Non, dit Merlin, la maladie de cet homme n'est pas de celle dont on meurt. »« Mais, seigneur devin, crie alors le malade, dites de quelle mort je dois mourir. »« À ton dernier jour, dit Merlin, tu seras trouvé pendu. » Ces mots prononcés, il s'éloigne. « Sire, dit le baron, voici une meilleure preuve encore de l'imposture de votre devin. » Comment pourrais-je mourir d'une chute de cheval et être pendu? Je désire pourtant l'éprouver une troisième fois. » Il se rendit dans une abbaye, obtint de l'abbé de passer pour un de ses moines. Puis, s'étant mis au lit, l'abbé vint prier le roi de visiter sa maison et d'amener avec lui son sage devin. Ainsi chevauchirent tant qu'ils vinrent à l'abbaye, un beau matin, ainsi que la messe fut chantée. Et quand les rois ôtent la messe oï, l'abbé vint à lit avec grand compagnie de moines et pria le roi pour Dieu qu'il venisse voir un lord moine malade et qu'il menât son devin. Ainsi vindre là où l'abbé les mena et demanda au roi « Sire, pour Dieu, faites-moi dire à votre devin si jamais ces prodhommes pourra guérir. » Et Merlin fait semblant qu'il se corroue et dit « Il se peut lever, il n'a nul mal et pornoi mes aisa, mais sache bien tui que le genre qu'il mourra, il se brisera le col et pendra et noiera, et qui vivra il le verra. Et s'il se lièvre en son séant et dit au roi, sire, or pouvez-vous bien cognoastre sa folie, car il ne sait ce qu'il dit. Comment pourroi ce être qu'il puisse dire que le genre que je mourrai, je me briserai le col et que pendrai et que je noirai. Or, est-ce gardé, sire? Ce veut être sage, qui tel homme créé et fait seigneur de votre conseil. » Et le roi répond, « Je n'elmestrerai tant que je sèche de quelle mort vaut mon roi. » Cette histoire que Robert de Boron avait également empruntée à la Vita Merlini de Geoffroy de Monmouth est célèbre. Longtemps après, le prud'homme, chevauchant en grande compagnie, vint à traverser un pont de bois jeté sur une grande rivière. Son cheval fait un faux pas, et le cavalier, lancé en avant, tombe et se brise le cou. Le corps tourne de telle manière que le manteau s'embarrasse dans une des pièces du pont. L'homme est retenu par les pieds, tandis que sa tête demeure plongée dans la rivière. Le bruit de l'aventure fut grand. Pour Merlin, après avoir reproché aux deux princes la complaisance qu'ils avaient montrée pour des envieux, il déclare que les questions qu'on ne cesse de lui adresser lui déplaisent et le fatiguent. À l'avenir, il ne fera plus que des prédictions dont on ne reconnaîtra le sens qu'après leur accomplissement. « Je ne parlerai plus devant le peuple, ne encore. » C'est obscurément non. qu'ils ne sauront que je dirai devant qu'ils le verront. » Merlin a tenu parfaitement sa parole, et tous les devins, ses devanciers ou successeurs, ont imité son exemple. Mais le roi Pindragon et tous les hommes informés de la résolution de Merlin commencèrent dès ce moment à garder note de ce qu'il avait dit ou dirait encore. Leur dit chacun par soi que jamais ne l'y auront chose dire qui à avenir soit, qu'ils ne la mettent en écrit. Et ainsi fut commencé les livres des prophéties de Merlin, ce qu'il dit du roi d'Angleterre et de toutes les autres choses dont il parla puis. Et Porce ne dit pas y ses livres qui Merlin et ne que il fut, qu'il ne mettoit en écrit ce nom qu'il disoit. Et quand Merlin dit à Blaise qu'il devoit mettre en écrit ses paroles, Blaise lui demanda « Feront-ils tel livre comme je ?» Et Merlin répond « Nénil, ils ne mettront en écrit ce nom qu'ils ne pourront connoître jusqu'il soit avenu. » Et Merlin commence alors à dire les obscures paroles dont le livre fut fait de ses prophéties, si que l'on ne les puisse connoître tant qu'elles fussent avenues. Boron veut expliquer ici comment le livre des prophéties, déjà rédigé plus ou moins sincèrement en latin par Geoffroy de Monmouth, d'après la tradition bretonne, avait été composé et comment il se faisait qu'on ne trouva pas dans ce livre des prophéties tout ce que lui-même allait raconter des faits et gestes du prophète. Il veut aller ainsi, suivant sa coutume, au-devant des objections et de la défiance des lecteurs. Ce que vous nous racontez là, pouvait-on lui dire, est de votre invention, car on ne le trouve pas dans le livre des prophéties que nous connaissons tous. « Il est vrai, répondait Boron, mais le livre des prophéties n'a pas été rédigé par Merlin. Ceux qui l'ont fait, sans son aveu, n'ont voulu que consigner ce qu'il disait pour le comparer aux événements à mesure qu'il s'accomplirait. Ils n'ont donc pu raconter la vie de Merlin, qui seul pouvait la dicter, comme il l'a fait dans le livre que je mets aujourd'hui sous vos yeux. » À cela, il n'y avait rien à répondre. Nous arrivons à la fameuse légende de Stonehenge, cette enceinte de pierre druidique dressée dans la plaine de Salisbury. C'est une tradition que l'histoire ne donne aucun moyen d'expliquer et de justifier. Geoffroy de Monmouth et Robert de Boron la rattachent également à l'histoire de Merlin. Ils font tous deux venir les pierres d'Irlande en Grande-Bretagne. Mais Geoffroy place l'événement sous le règne d'Aurelius Ambroise, le Pindragon de Robert, qui aurait ainsi désiré consacrer le lieu où reposaient les illustres Bretons morts en combattant les Saxons. Robert de Boron veut, au contraire, que le transport des pierres n'ait eu lieu que sous Uther, frère et successeur de Pindragon. Nouvelle preuve que, dans les œuvres littéraires, les conteurs de fables ne s'accordent guère mieux entre eux que les historiens. Aurelius Ambroise, dit Geoffroy, était allé visiter près de Kerkaradoc, aujourd'hui Salisbury, la sépulture des comtes et principaux guerriers égorgés par l'ordre d'Hengist. À la vue de cette longue suite de tombeaux, le roi n'avait pu retenir ses larmes et avait pris la résolution d'élever un monument durable à la mémoire de tant de généreuses victimes. Il mande charpentiers et maçons qui se déclarent incapables de répondre à ses vœux. « Il n'y a que Merlin, dit alors Tremoun, l'archevêque de Caerleon, qui puisse faire ce que vous souhaitez. » On cherche longtemps Merlin. On le trouve enfin près de la fontaine de Galabus, dans le pays des Gewissens. Quand il est arrivé, le roi commence par l'inviter à prophétiser. « Sire, dit Merlin, on ne doit découvrir l'avenir qu'en cas de grande nécessité. Si je satisfaisais une vaine ostentation, l'esprit qui me visite cesserait de m'inspirer et ne reviendrait plus une autre fois. » Le roi n'insista pas et lui parla du monument qu'il entendait élever. Merlin dit « Si vous voulez dignement honorer la sépulture de ces hommes illustres, faites prendre la danse du géant sur la montagne de Killarhouse en Irlande. C'est un assemblage de pierres qui ne peuvent être ébranlées que par la connaissance profonde de l'art mécanique. Si l'on parvient à les replacer ici dans l'ordre où elles sont maintenant, elles y resteront jusqu'à la fin des siècles. » Le roi se prit à rire. « Le moyen, dit-il, de transporter d'aussi pesantes masses à pareille distance, la Bretagne n'a-t-elle pas assez de pierres ?»« Ne riez pas, » reprit Merlin. « Ces pierres d'Irlande ont des propriétés mystérieuses, de grandes vertus médicinales. Les géants du temps passé les avaient transportés de la côte d'Afrique la plus éloignée, en Irlande, quand ils habitaient cette île. Leur projet était de les disposer en cuve et d'y établir des bains pour les malades. La forme la plus ordinaire des sarcophages a pu donner l'idée d'en faire des baignoires. Car c'est au bain qu'ils demandaient la cure de tous leurs maux. C'est encore ainsi qu'ils guérissaient toutes les blessures, en mêlant à l'eau le suc de certaines herbes. Il n'est pas une de ces pierres qui ne soit douée de quelque vertu particulière. Les Bretons résolurent d'aller prendre ces pierres et de combattre les Irlandais s'ils essayaient de les défendre. Uther, frère d'Ambrosius, partit avec 15 000 guerriers et, ce qui valait mieux encore, accompagné de Merlin. Les vaisseaux abordèrent en Irlande. Le roi du pays, nommé Guillaumanus, en apprenant le motif de l'arrivée des Bretons, ne put s'empêcher de rire. « En vérité, dit-il, il ne faut plus nous étonner que les Bretons aient été subjugués par une coire de race étrangère quand ils sont assez brutes et assez fous pour venir nous attaquer afin de nous enlever des pierres qui ne valent pas mieux que celles de leur pays. » Il y eut un grand combat. Les Bretons, vainqueurs, coururent à la montagne de Killaros et contemplèrent avec une grande admiration la danse du géant. « Maintenant, dit Merlin, voyez comment vous pourrez mouvoir ces pierres. » Tous se mettent à l'œuvre. On emploie des câbles, des roues, des leviers, mais le tout en vain. Le devin riait de leurs vains efforts. Enfin, il comprit qu'il fallait un peu les aider. Il prit chacune des pierres l'une après l'autre et, les soulevant avec une merveilleuse facilité, alla les déposer dans les vaisseaux. Les Bretons revinrent triomphants. Les pierres, aisément transportées dans le cimetière de Salisbury, furent disposées par Merlin lui-même dans le même ordre qu'elles gardaient sur le mont Killaros. Il ne pouvait, dit en terminant Geoffroy de Monmouth, donner une preuve plus manifeste de la supériorité de l'art sur la force corporelle. Venons maintenant au récit de Robert de Boron. Merlin avait prévu la prochaine arrivée d'une flotte de Saxons impatients de venger la mort d'Hengist et de conquérir une seconde fois l'île de Bretagne. Le roi Pendragon avait fait les meilleures dispositions pour bien les recevoir et les attirer loin des rivières. Les Saxons, ne trouvant d'abord aucune résistance, s'avancèrent dans les terres, pendant qu'Uther venait se placer entre eux et la mer, de façon à les pousser jusqu'au milieu des plaines de Salisbury. Alors ils trouvèrent devant eux et le long de la Tamise l'armée de Pendragon, tandis que celle d'Uther s'étendait derrière eux, prête à leur disputer le retour. Or, Merlin avait averti les deux princes bretons d'attaquer résolument les Saxons dès qu'ils apercevraient dans l'air un dragon rouge lançant des flammes de sa gueule béante. Le signal ne se fit pas attendre. La bataille fut terrible et, comme Merlin en avait informé Uther, le roi Pendragon y fut tué. De l'armée des Saxons, il n'échappa pas un seul guerrier. Le premier soin d'Uther fut de faire recueillir les corps de tous les chevaliers mortellement frappés dans cette grande bataille. Chacun y mit le corps de ses amis, les uns près des autres par tropio. Et Uther fit apporter le corps de son frère en la compagnie de ses hommes, et chacun fit écrire sur la tombe de ses amis qui il est toi. Et Uther fit son frère lever plus haut des autres, et dit qu'il ne feroit sur lui écrire le sien nom, car moult ce roi folle s'il, qui sa tombe vers roi, et ne connu à Troie que cette étoile à tombe au seigneur de celle qui la gisoie. Cela fait, Uther se rendit à Londres, les barons le couronnèrent, et les prélats le sacrèrent. Merlin vint le trouver à 15 jours de là, et lui dit que le dragon qu'il avait vu flotter avait annoncé la mort prochaine du roi son frère, et que lui-même, en raison de ce que le dragon lui avait paru comme suspendu dans l'air, devait ajouter à son nom d'Uther celui de Pendragon. Peu de temps après fut instituée la table ronde, et nous dirons tout de suite qu'en rapportant cette création capitale au règne d'Uther Pendragon, et en choisissant parmi des guerriers assez obscurs les premiers convives de la table ronde, Robert de Boron prouve déjà qu'il est resté étranger à la composition de la seconde partie du roman de Merlin. Car, dans cette deuxième partie, ces chevaliers naguère si prud'hommes, si exempts de mauvaises passions, si fortement unis entre eux et avec Uther Pendragon, leur souverain, deviennent déloyaux, jaloux, ennemis d'Artus, et cèdent enfin leur siège à de plus vertueux et à de plus vaillants. Les continuateurs auraient assurément supprimé ce premier essai stérile si la publication du poème de Robert et de sa réduction en prose n'avait pas devancé celle de leur roman et ne leur en avait pas ôté les moyens. Le système qui offrait comme principal but de cette troisième table la quête du Graal est indiqué ici, mais probablement après coup. La place demeurée vide ne sera occupée que par celui qui devra remplir également celle de la table de Joseph. La table ronde est ici la réunion des vassaux, des hommes du roi aux quatre grandes fêtes de l'année, Noël, Pâques, la Pentecôte et la Saint-Jean. Et l'intention manifeste des romanciers est encore ici de rapporter à l'ancienne cour des rois bretons l'origine de tous les usages auxquels se conformaient les grands souverains du XIIe siècle, Louis VII, Philippe Auguste et Henri d'Angleterre. Tenir cour et tenir table ronde étaient alors une même chose, dont on voulait que le premier exemple remontât au prophète Merlin et au roi Uther Pendragon, comme aussi l'usage de distribuer des livrets et de faire des présents aux dames qui venaient embellir de leur présence ces grandes réunions. Les deux frères Pendragon et Uther auraient aussi, les premiers, fait précéder leurs armées en campagne de l'enseigne ou étendard du Dragon d'Or, qu'on portait encore au premier rang de l'armée française dans le XIe siècle. Nous verrons ainsi l'origine de la plupart des grandes coutumes des temps féodaux gratuitement rapportées aux fabuleux usages de la cour d'Artus. Dans cet ordre d'idées, la troisième table ronde exprime une intention essentiellement laïque et mondaine. Elle est instituée en faveur de ceux qui tiennent à la vie des cours et aux honneurs du siècle. La place qui y demeurait inoccupée, comme aux deux premières, ne devait être remplie que plus tard. C'est là ce que Merlin a soin d'expliquer à Uther Pendragon. Et ce ne avindra mi à ton temps, mais au temps du roi qui après toi vindra. Mais je te prie que tu fasses désormais des assemblées et tes grands corps en cette ville, Carduel en Galles, et que tu y tiens, je t'accours trois fois l'an et toutes les fêtes à nuit. Et l'Iroi répond, je le ferai. Je passerai rapidement sur l'épreuve du siège vide, tenté par un des familiers du roi, et puni aussitôt comme l'avait été celle de Moïse à la table du Graal. La laisse suivante nous ramène au texte de Geoffroy de Monmouth, dont elle offre l'habile et poétique développement. C'est le récit de l'amour du roi Uther Pendragon pour Hygierne.